auparavant perdu dans l'innocence. Je me prenais pour le Dalai Lama. Mais un jour je suis descendu dans la rue, enivré par la peur et la colère. J'ai frappé sur un inconnu, non, j'ai même frappé à terre. Me suis perdu dans le désert, comme Laurence l'Arabie. J'ai plus d'amis, j'ai plus de frères. Violence à l'infini, comme Laurence l'Arabie. Pareil, c'était plus le même homme. Il en parle jamais, mais je crois qu'au fond, il a vu le diable en personne. Moi, je vais louer par d'espoir déçu. Je voulais ma part en humanité. Je voulais croire que c'était pas foutu. Même d'avoir commencé, je me suis perdu dans le désert, comme Laurence l'Arabie. Plus d'amis, j'ai plus de frères, que la violence à l'infini. Du lot, plus bright, plus fort, plus beau. Mais je ne suis qu'un homme violent, un de plus malheureusement, un de plus malheureusement. Je me suis perdu dans le désert, comme Laurence d'Arabie. Plus d'amis, j'ai plus de frères, que la violence à l'infini. Je me suis perdu.